Ils sont là tout autour de nous. On les devine parfois. Ils nous attaquent, on les chasse, on les mange, ils nous dévorent. On les voit peu, mais on les entend. Pas si bête, une chronique sur le monde sonore animal. Aujourd'hui, le butor étoilé. Il arrive lorsque l'on se promène à l'aube ou au crépuscule, en Lorraine, dans les étangs de la chaussée, qu'on entend au loin le son lancinant d'une corne de brume. Pas de mirage possible dans ces contrées pourtant propices à la rêverie, car c'est un oiseau qui chante et lance son appel à l'amour. Le butor étoilé, un oiseau échassier, une sorte de grand héron costaud de 80 cm, au plumage brun, de la couleur des roseaux, avec de petites taches dorées et de minuscules étoiles brunes. À dire vrai, il est bien difficile à repérer ce butor étoilé, car il vit caché au milieu des roseaux de l'étang. Il marche lentement et discrètement, près de la rive des roselières, tête légèrement enfoncée dans les épaules, à l'affût d'un poisson ou d'une grenouille ou d'un insecte aquatique à attraper. Un bec long et pointu, tirant sur le vert et agrémenté d'une petite moustache noire, des yeux orangés qui guettent une proie. Et hop, quand le butor étoilé passe à l'attaque, le rythme change. Il attrape l'individu d'un coup, le transperce avec le bec, le secoue quelquefois avant de l'avaler la tête la première. Mais au moindre bruit suspect, le butor étoilé s'immobilise. Il allonge alors son cou, tend le bec vers le ciel, de telle manière à ce qu'on pourrait le prendre pour un roseau parmi d'autres. D'autant qu'il est capable de rester ainsi des heures durant et d'osciller au rythme du vent qui agite les roseaux. C'est un solitaire qui semble se préoccuper de ses congénères au moment de la période des amours. Le mâle émet alors un chant très grave entre février et juillet, période de reproduction, pour signaler sa présence aux femelles et délimiter son territoire vis-à-vis des autres mâles, le fameux son de corne de brume. Le corps tout vibrant, il claque plusieurs fois du bec, puis tend la tête en avant, inspire, puis relève la tête, déploie son cou, et en expirant, il chante. Contrairement aux autres oiseaux, le butor conserve l'air inspiré dans son œsophage et non dans ses poumons. L'œsophage joue alors le rôle d'un gros tube, comme celui d'un instrument à vent. Plus l'instrument est long, plus grave et intense est le son. Un chant particulier auquel s'est intéressé le comte de Buffon dans son Histoire naturelle des oiseaux. Il écrit ceci. Pourrait-on imaginer que cette voix épouvantable fut l'accent du tendre amour? Mais ce n'est en effet que le cri du besoin physique et pressant d'une nature sauvage, grossière et farouche, jusque dans l'expression du désir. Pauvre butor étoilé qui n'a pas trouvé grâce aux yeux de Buffon, mais dont la voix grave et mystérieuse sera vous touchée, car c'est une espèce particulièrement menacée en Europe et encore plus en France, où la population a drastiquement chuté. Il y a seulement 300 mâles sur le territoire national. Pas si bête, une chronique de Céline Duchesnier, avec la complicité de Julien Pichonneau et de la Sonothèque du Muséum National d'Histoire Naturelle. Réalisation, Laurent Polleret.